bout des années. Simiki, faut des claps là, faut des claps là. Qu'est-ce qui passe, nous vîn casé yo. Pache tout côté y'a pas de toi yo. Simiki pas vîn pour déranger yo. Qu'est-ce qui te souhaite pour te tomber. Que l'autre qui espérait pas le jamais arriver. Vini pour le bêtiser. La jeunesse a décidé pour l'attacher. Comme il n'a pas changé de vie, puis mauvais. C'est même un petit légal qui a frappé. Pour tout ça, qui a fait essayer de boycotter. Si on va même bouger, attendez. Si Miki c'est pour mentir, pour me parler. Levant devant. Ou gen les plié sous tes comptes critiquées. Si n'pas privé, les pour m'tomber. Gat jodia, nous fait hit là. Si nous n'y accepte, nous n'y moun approuvé. Et jeunesse là, c'est nous y'a vlé. Oui, boy. Soudo, soudo. On les met des souvent tout mouillé. Soudo, soudo. Travail pour nous arriver et on pas fait de faveur malgré les politiciens nous gourmet pour nous joindre respect nous pas décourager notre travail n'a privé n'importe changer attaché mieux paléo nous capables faire nous sommes pour business se marcher paléo si vous pas voulez aller confier pas voulez ma passer paléo on aime pas la voix tout femme go. Paléo, président des tracés, nous pas jamais garder bien. Paléo.